sont jaloux, jaloux de mon sein. Tous les petits coqs souhaitent maman. Moi le grand coq, je suis le plus fort. Attention les poulettes, on va chanter ça tous en chœur. Vous êtes prêtes? Oui, tranquille. Archi prêtes? Oui, tranquille. Au top de la prétitude? Oui, tranquille. Eh ben faut tes fêtes. La vie est belle mes poulettes? Oui, tranquille. La vie est chouette mes poulettes? Oui, tranquille. Eh ben chouette alors. C'est moi le coq de la basse-cour. Je suis le prince de l'amour. C'est moi le chef de la basse-cour. Je tire mon coup sans faire la cour. Tous les petits coqs souhaitent ma mort. Ils sont jaloux, jaloux de mon sang. Tous les petits coqs souhaitent ma mort. Moi le grand coq, je suis le plus fort. Je suis champion dans mon village. Je gagne toujours tous mes combats. Je suis le chef de mon village. J'assure toujours tous mes contrats. C'est moi le prince de mon village. Je suis vêtu de beaux plumages. C'est moi le coq de mon village. Je fais toujours beaucoup de ravages. Poules et poulettes me tournent autour. Toutes elles caquettent pour faire l'amour. Poules et poulettes attendent leur tour. Elles sont coquettes, à qui le tour? Je suis aimé dans mon village. C'est moi qui chante pour le réveil. Je suis flatté dans mon village. C'est moi qui coupe tous les sommeils. Tous les petits coqs souhaitent ma mort. Ils sont jaloux, jaloux de mon sang. Tous les petits coqs souhaitent ma mort. Moi le grand coq, je suis le plus fort. Je suis aimé dans mon village. C'est moi qui chante tous les matins. Je suis comblé dans mon village. Je donne de beaux petit poussin. C'est moi le grand coq, car c'est lui le grand coq. J'ai le plus grand coup. Il a le plus grand coup. C'est moi le grand coq, car c'est lui le grand coq. J'ai le plus grand coup. Il a le plus grand coup. Combien de poussins tu désires, chérie? Toujours la même question. Combien de poussins tu désires, chérie? Aïe aïe aïe. C'est moi le grand. C'est moi le grand.